Trois hommes arrivent sous la tente. Au plus chaud du jour, sans bruit, Abraham se lève pour servir, sans savoir qu'il sert l'infini. Autour du feu, la promesse murmure, Sarah aura un fils. Le rire s'échappe dans sa tente, comme un doute caché dans la nuit. Quand l'homme rit de l'impossible, toi tu déclares l'accomplissement. Rien n'est impossible à ton nom, aucune stérilité ne résiste. Quand ta parole se pose sur nos vies, même nos déserts deviennent des pistes. Rien n'est impossible à ton nom. Tu fais naître la vie du silence. Tu fais chanter l'espérance dans les endroits sans chance. Puis tu révèles ton jugement à venir sur les villes de la vallée. Et Abraham se tient dans l'intercession, entre justice et pitié mêlée. Il plaide pour 10 juste à peine, et tu promets d'épargner les lieux, car ta justice ne se réjouit pas de la perte des malheureux. Rien n'est impossible à ton nom. Ton cœur cherche encore à sauver.